m'envie tous les jours en TP. Quitte à l'eau poste comme Flo GP. Hier j'ai vu, j'ai vu PTB. J'aurais vu dans l'état que j'étais. A personne moi je suis cul. Je vous aime fort comme je peux vous salir. Et même si je n'en veux personne, ça sert à rien de me salir. Je me sens seul comme mon chien, car vite comme un robot, une machine. Les gens je sais pas ce qu'ils imaginent. Ce que j'ai acquis c'est pas mieux par magie. Dans la coque je n'ai pas touché. Je regarde au manteau avant de me coucher. C'est bien les flics on en va loucher. Le sang premier moi si tu vas toucher. Je suis comme toi, je veux faire ma vie comme toi. Je fais pas la star loin de là. Leur flic m'atteigne même pas. Je suis comme toi, moi je veux juste faire ma vie. Je suis comme toi, des fois je suis seul dans lui. Elle t'a fait les yeux doux, oh la coquine. T'as pris son nu mais tu préférais sa copine. Des questions cousin, on dirait que tu m'examines. Je comprends pas tout le temps que tu fais le gros, t'as que des fondines. Jeunesse perdue en bas des blocs du quartier. La police nous perturbe, veulent tout le temps nous faire partir. Un gros don aux gens qui les appellent, tout ça que le con fait quand je pars. Tout ça comme la musique forte jusqu'à tard. Désolé les autres, j'vais emmerder le bâtard. Je suis comme toi, je veux faire ma vie comme toi. Je fais pas la star loin de là, leur pique m'atteigne même pas. Je suis comme toi, moi je veux juste faire ma vie. Je suis comme toi, des fois je suis seul dans lui. Je viens de Marseille, où ça lève, des gros cubes où ça fait de l'argent. Personne s'occupe des petits du quartier, à force ça devient décourageant. Un jour j'ai tout lâché, ça sert à rien de me dicter ce que j'ai à faire. J'ai toujours la voix, j'ai toujours la faute, tant que je continue les enfers. Tu me croiseras peut-être en train de fumer mon pet, écouter mon son. Je t'ai vu sourire avec une larme, ça m'a rappelé que l'humain avait de l'émotion. Je traîne encore avec les casseurs, quand ils sont patines dans la sacoche. Ils ont mis les sirops, la lampe torche, j'ai brûlé un feu vers ma richeole poche. Je suis comme toi, je veux faire ma vie comme toi. Je fais pas la star loin de là, leur flic m'atteigne même pas. Je suis comme toi, moi je veux juste faire ma vie. Je suis comme toi, des fois je suis seul dans lui. Je suis comme toi, je veux faire ma vie comme toi. Je fais pas la star loin de là, leur flic m'atteigne même pas. Je suis comme toi, moi je veux juste faire ma vie. Je suis comme toi, des fois je suis